perpetrate, play with it. Never knew about the next level until Dre did it. I stay committed while you motherfuckers babysit it. I smash the critics like an overhand right from Riddick. Come and get it, shitted on villains by the millions. I be catching bitches while bitches be catching feelings. So what the fuck am I supposed to do? I pop bottles and hot hollow points at each and all of you. Come on. A heartless bastard, high and plastered. My style is like the reaction from too much acid. Never come down, pass it around. You can't handle it. Hang Hollywood niggas by they soul train laminates. What's the difference between me and you? What? About 5 bank accounts, 3 ounces and 2 vehicles. Until my death, I'm Bangladesh. I suggest you hold your breath till ain't none left. Yo, that's the difference. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel, but never deal with emotions. I'm used to living big dog style with straight coaches. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel, but never deal with emotions. I'm used to living big dog style with straight coaches. What's the difference between me and you? What's the difference? C'est ce que nous demandait le Dr. Dre en 1999. Mais aujourd'hui encore, on se demande quelle peut bien être la différence entre un réactionnaire classique et un véritable danger public. Un élément de réponse, Madame Boutin ? Il est bien sûr que la lutte contre le sida, c'est beaucoup plus la recherche médicale, pharmaceutique, qu'autre chose. Je le pense profondément. Cela dit, vous savez, chacun fait comme il peut et comme il veut. Je crois qu'il ne faut pas donner plus d'importance que cela n'en a en France. Vous savez, moi je reviens de Rome hier. Hein. J'étais à Rome hier. C'est vraiment des questions franco-françaises. Hein, parce qu'à Rome, j'ai vu beaucoup de journalistes, personne ne m'a posé cette question à Rome. Et en ce qui concerne l'usage du préservatif, vous n'attendez pas quand même que le pape dise qu'il faut mettre le préservatif. Vous pensez que l'utilisation du préservatif peut aggraver les choses ? Moi, je pense que c'est pas drôle de mettre le préservatif quand on fait l'amour. Et nous, on aimerait répondre à Madame la Ministre que c'est sans doute moins drôle de vivre avec le sida que de mettre un préservatif. D'ailleurs, en ce week-end du SIDAction, la panique au Mangin Palace a une pensée plus que sympathique pour tous ceux qui se battent contre la maladie, pour tous les militants des associations de lutte contre le sida et pour tous ceux qui pensent que la vie et ses plaisirs ont un peu plus de poids que cette morale abjecte qui gagne du terrain. Mais bon, l'ami, il est déjà 11h11 et ouvrons dès à présent les modestes aventures laïques de ce 155e épisode du Mangin Palace. Et comme d'habitude, il est l'heure pour toi de te vautrer confortablement afin de profiter au mieux de notre malicieuse liturgie qui débute bien entendu par notre petite session freudienne, en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fiefé sacripant de nos coursives, avec qui nous allons croiser maintenant pêle-mêle les agapes d'un joyeux banquet franco-libanais, puis la capote d'Urex Sedlex pontificale, et enfin la castafiore au Medef et le professeur Tournesol à Matignon. Allez, en route maestro, tend bien l'oreille, ainsi soit-il. Voisin. Entre les deux pays, c'est une affaire de famille annoncée lors des toasts. Zoltan! Nicolas Sarkozy. Quelle bonne surprise! Vous croyez au Mexique? Comme le veut le protocole, l'Elysée avait mis les petits plats dans les grands pour recevoir au dîner d'État le président Sleiman et son épouse. Tapis rouge, garde républicaine, autour d'une table en U. Il faut arrêter de faire des banquets à 50 personnes tous les mois. Non mais c'est pas pareil là, elles sont pas 50. Deux sont invités réunis pour célébrer l'amitié franco-libanaise. Au menu, pas de mezze libanais, mais des classiques de la cuisine française. Allez au moins un peu de caviar, cher ami. Ou une douceur si tu préfères. Le tout arrosé de grands crus et accompagné musicalement par l'orchestre à cordes de la garde républicaine. Par contre, là où je suis un peu ennuyé, c'est que j'ai plus bien de budget pour les gonzesses. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ok, écoute, saute à la scène suivante. Le pape Benoît XVI les collectionne. L'Église catholique n'a jamais commis d'erreur. Il affirme que l'on ne peut pas régler le problème du sida en distribuant des préservatifs et qu'au contraire, leur utilisation aggrave le problème. Et si l'on parvient à montrer que l'Église catholique a un certain panache, on peut reconquérir notre clientèle et s'ouvrir de nouveaux marchés. Ce pape commence à poser un vrai problème. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alain Juppé, le maire UMP de Bordeaux. Comment se mettre dans cette espèce de seringue où on réintègre des évêques dont l'un est un apôtre, je puis dire, du négationnisme. Peut-être a-t-on commis des erreurs, mais elles appartiennent au passé et on ne saurait tenir notre Église pour responsable de ces vieux égarements. Et dire en Afrique que le préservatif aggrave le danger du sida, c'est d'abord une contre-vérité et ensuite c'est inacceptable pour non seulement les populations africaines mais pour tout le monde. Oh, Christ, si seulement on faisait autant de bénéfices. Laurence Parisot. Oh ben moi, j'abdique jamais, alors. Ne pense que du mal de la journée d'action prévue demain. Tu te souviens, Rodès, quand j'ai reçu des melons dans la gueule? C'était à Cavaillon. La présidente du MEDEF parle de démagogie et d'illusion. Eh ben, j'ai salué sous les épluchures. Impérial. Cette journée de test social aura donc été un franc succès. C'est vrai qu'ils sont impressionnants. Si on se contentait de les ignorer. Mais si Matignon et l'Élysée restent attentifs à la grogne sociale, ils refusent cependant tout changement de cap. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, laissons-les se promener. Chargé d'opposer une fin de non-recevoir aux revendications d'hier, François Fillon a exclu sur TF1 un nouveau plan de relance. Certainement pas un nouveau plan de relance, Madame Ferrari. Moi, j'écoute les Français tous les jours. Je comprends rien, articule ! Ôte ton casque ! Ceux qui ont manifesté aujourd'hui, et qui étaient nombreux, et qui expriment une inquiétude qui est très légitime. Mais n'oubliez pas qu'un grave danger pèse sur vous, ne vous fiez à personne. Exception faite de nous. Et donc ensuite, ben, il y a cette petite séquence endormante. Les députés vont donc s'exprimer aujourd'hui sur le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est une décision de Nicolas Sarkozy. Sur laquelle l'Assemblée nationale est appelée à voter 7 jours après que le président l'a annoncé. J'ai pas toute la nuit. C'était un vote sans le moindre suspense, mais c'est fait. Les députés ont voté hier soir le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN par 329 voix contre 238. Mega Rich Productions, quelle classe. Ouais, DreamWorks était déjà pris. Alors voilà, c'est fait. Nous venons de rejoindre le commandement militaire intégré de l'OTAN que la France avait quitté en 1966 dans le cadre de la politique gaullienne d'indépendance envers les States. Mais aujourd'hui, l'indépendance, c'est surtout celle de notre président dans ses choix inopinés qui le contraignent à agir rapidement pour s'occuper des conséquences immédiates de ses décisions. Ainsi, en début de semaine, Nicolas Sarkozy a convoqué son ministre de la Défense, M. Hervé Morin. Monsieur Morin, je vais vraiment avoir besoin de vous. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Oh, inutile de vous expliquer. J'ai tout compris. Comment ça, vous avez deviné? Bah, entre nous, c'est pas très compliqué. Il suffit de vous regarder, hein. Toujours sur les nerfs, les mains moites, le teint livide, le front ruisselant. Ça, alors vous me stupéfiez. Mais vous savez, à mon tout petit niveau, bien sûr, oh non. Moi, je donne déjà des petits conseils. Ah. Alors, si vous avez des soucis, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler. Hein. C'est presque ça, monsieur Morin. Seulement, je vais avoir besoin de vous 24 heures sur 24. Ah, oui. Non, 24 heures sur 24, ça me paraît guère possible. Hein. Dites-vous, monsieur Morin, que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc à ceux qui se couchent tôt, et par conséquent à ceux qui dînent tôt, tôt et léger. Hein. Parce que pour être un winner comme moi, il faut avoir une hygiène de vie de champion. Un winner ? Nicolas Sarkozy est donc déjà en train de préparer le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN en apprenant quelques mots d'anglais qui lui seront bien utiles lors du prochain sommet de l'OTAN à Strasbourg début avril. Bon, en vérité, au Pentagone, ils ne sont pas vraiment convaincus. Et au niveau langue ? Au niveau langue, il a les bases, hein, mais pas les bonnes. Il peut se débrouiller aux États-Unis, mais au milieu d'une guerre de gang. C'est fuck tous les trois mots, suck, shithead, stick it up your ass. Ce qui veut dire ? Colle-toi-la dans le cul. Eh ben, les réunions au sommet de l'OTAN s'annoncent animées avec le retour de la France. D'autant que notre perte d'indépendance militaire ne pose pas de gros problèmes à Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, quand Hervé Morin lui fait remarquer qu'en tant que chef des armées, il va perdre du pouvoir, Nicolas Sarkozy sait très bien qu'il peut se reconvertir pour aider ses alliés, comme il l'a expliqué à Barack Obama. Peut-être que je peux apprendre à conduire un bahut. T'as le numéro de cette école de conduite qu'on a vue à la téloche ? Devenir routier, c'est ça ? Ça pourrait être utile. Et quel est ton problème? Pour tout le monde, c'est toi le problème. C'est parce que tu es incontrôlable. Je ne t'aime pas parce que tu es dangereux. Ça, c'est vrai. Je suis très dangereux. Tiens, voilà peut-être une explication aux distances que met le nouveau président des États-Unis entre lui et Nicolas Sarkozy. Alors, face aux critiques sur sa décision de revenir au cœur de l'OTAN, notre président a confié à ses proches collaborateurs qu'en rien, il ne prend les affaires militaires à la légère, puisque lui-même fut un grand guerrier. Mais j'ai fait mon service militaire, surtout. Où et ça où? Dans une unité d'élite. Et c'est-à-dire? L'armée de l'air. Ah, bah, c'est bien. Mais ça n'avait pas que du mauvais, parce que j'avais un chef, je m'en souviens très bien, il avait toutes les qualités de la terre. Et il m'a... C'est rare. Et il avait, il faut bien le dire, quelques préférés. C'était pas tout à fait spontané, ces préférés, dont j'étais. Cet homme de grand talent, quand il s'ennuyait, quand il avait envie de pas travailler, ce qu'il faut bien le dire, lui arrivait plusieurs fois... tout au long de ces longues nuits, consistait à passer avec un air mystérieux dans les couloirs du ministère, de repérer ceux qu'il aimait bien et de les emmener dans la réserve à balai du ministère. C'est ainsi que certains jeunes soldats du groupe rapide d'intervention de l'armée de l'air pouvaient faire leur service, ma foi, avec un certain confort. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps, m'a fait comprendre comment gagner du galon. Sans balayer la cour, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Le rire du sergent, la fleur du régiment, avait un cœur de troubadour. Ainsi donc, Nicolas Sarkozy a fait son service militaire à Ballard, dans le 15e arrondissement de Paris, à la base aérienne 117. Une affectation confortable qui ne doit rien au hasard. Vous n'êtes pas marié ? Vous n'avez pas d'enfants ? Vous n'êtes pas soutien de famille ? Vous n'êtes pas l'aîné de 9 enfants ? Vous n'avez pas perdu votre père à la guerre ? Votre mère, votre frère, votre sœur ? Personne ? Alors de quoi vous plaignez-vous ? Ah, j'en vois tellement de cas sociaux difficiles que je ne me rappelle pas si on s'est penché sur le vôtre. Alors sur votre fiche là, je vois que vous souhaitiez l'armée de l'air place Ballard, sûrement à cause du métro direct. Allez, bonne chance. Merci mon commandant. Au revoir jeune homme. Oui, déjà jeune homme, Nicolas savait très bien comment obtenir ce qu'il voulait. Cette période de service militaire ne fut pas pour le futur chef des armées une période difficile. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il a beaucoup appris dans la manière de s'adresser aux gens. Ceci est une grenade offensive. Mais non, bande de crétins! Ces trucs-là, c'est pas dangereux, ça fait beaucoup de bruit, un peu de fumée, c'est tout. Il a dit crétin? T'as entendu crétin? Moi aussi, j'ai entendu crétin. Sergent, vous avez dit crétin? Oui, pourquoi? Vous vous adressiez à nous tous ou à quelqu'un en particulier? À vous tous, vous êtes tous aussi crétins les uns que les autres. Bon, parfait, dans ce cas-là, vous pouvez continuer. Tu vas apprendre à démonter des mitraillettes, à tuer le temps dans la bière et les cigarettes, à ramper dans la flotte comme un crocodile. Autant de choses civil et à claquer des talons devant le moindre galon. Mon colon, nous nous régalons. Et va petit soldat, va, tu seras caporal. Râle, bonne mais ne râle pas, pas, pas de morale comme avant-guerre. Et depuis, comme chacun sait, le petit soldat Sarkozy de la base aérienne de Ballard a fait son chemin, sans doute parce que sa période de service militaire a été riche pour lui. Très riche d'enseignements et de confiance en lui. Messieurs, vous êtes la crème des pilotes de l'aéronaval. Une élite. Les meilleurs des meilleurs. Chaque adversaire sera de plus en plus coriace. D'autre part, ici, on ne fait pas de politique, messieurs. On laisse ça à nos élus. On laisse ça aux civils. Il y a trois hypothèses. Soit ce gouvernement est totalement méprisant, soit il est incompétent, soit il est obstiné. C'est sans doute un peu des trois. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Moi, you did look dapper in your mother's old green scarf with your famous auntie Arthur's trousers on. Slap by that slapper, now we all laugh. She laughed the loudest on the 93. Catch on the bee's knees off the beat. Cheeky you'd say, and we all fell around, rolling around the playground. Saucy you'd say, we all fell about, rolling around the playground in the 94. We all sang, skipping and dancing hand in hand. Yeah, it was all the boys together, all the girls together. Thank you. She knows the Rodneys from her Stanleys, the Kappas from her Reeboks, and a tip from the Tat, and Winston's from her Enoch. Around the snooky table, you dance the fruity tooty. She almost built a lager, toasting girls of great beauty. Last of the English Roses, la dernière des roses anglaises, c'est celle que nous offre ce matin le sublime Pete Doherty. En revanche, les épines anglaises du 15 de la rose, ce fut pour l'équipe de France de rugby, dimanche dernier à Twickenham, une vraie branlée. La tactique, elle est simple. Hein, on va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites bites. Alors maintenant, après avoir découvert les coulisses du service militaire de M. Sarkozy à la fin des années 70, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent, à 11h25, sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache que depuis lundi dernier, à l'occasion de la Semaine du cerveau, organisée en France par le CNRS, de nombreux colloques et conférences ont eu lieu sur l'état de la recherche encéphalique. Au passage, nous avons appris par exemple que le cerveau humain commence à pourrir à l'âge de 27 ans. C'est oppressant. Le déclin cognitif frappe tôt, très tôt. Toujours est-il que nos joyeux fantômes radiophoniques ont tous été invités mercredi dernier à s'embarquer pour un merveilleux voyage intérieur au cœur d'une étrange boîte crânienne. Alors, auscultons attentivement l'étrange récit de notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives au milieu des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ainsi la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous avons fait un beau voyage. Mercredi soir, tout le monde a embarqué dans la neurocapsule du docteur Jean l'ermite pour visiter un cerveau. Le voyage était magnifique et notre guide était vraiment super. Regardez et écoutez tous ces mécanismes secrets qui, du cerveau jusqu'au fond des tissus, subtilement communient dans une vaste unité. Là est le substratum sans limite de tous les phénomènes organiques et mentaux. Tandis que nous parcourions le bulbe rachidien, Louise de Villemorin a eu une drôle d'idée. Toutes les têtes, pour moi, sont des pigeonniers qui contiennent des pigeons plus ou moins nombreux. Et ces pigeons, qui sont nos pensées, sont sortis. Ils sont sortis et ils pensent à des choses et ils volent et ils vont vers d'autres cieux. Et de temps en temps, ils nous rapportent quelque chose. Des fois, ils ne nous rapportent rien. Nous étions en train de survoler le corps calleux quand Victor Raymond a eu une petite pensée pour ceux qui, à cette heure-ci, était encore au travail. Réfléchissez un peu à ce qui se passe dans le cerveau d'un ouvrier qui, dans une chaîne, à longueur de journée, serre la même vis à toutes les carlingues qui passent devant lui. Évidemment, il n'aura pas une pâture suffisante pour son cerveau. En effet, si la machine est toujours fixe, toujours la même, l'ouvrier, lui, est un individu qui obéit à des mobiles divers, qui a une personnalité, une mentalité, et qui, par conséquent, s'adapte difficilement à ce travail strictement mécanisé. L'alerte rouge a retenti. Un parasite venait de s'introduire dans le cerveau que nous visitions. Le métier de TF1, CDD, Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Un homme aux mains gantées plonge une minuscule lampe électrique dans le cerveau d'un autre homme. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Tout le monde était donc invité à évacuer le cerveau. Notre visite était gâchée. Mais le général de Gaulle a pris les choses en main. Pour trouver une solution, pas de secret. Il fallait que chacun se creuse un peu la tête. Et puis, voyez-vous, quoi que l'on fasse, ce qui peut tout à coup faire écrouler les barrières, c'est l'éclair, imprévu et imprévisible, qui jaillit soudain d'un cerveau. C'est cela qui, de tout temps, a fait faire à tout ce qui était préparé un pas de géant, tout à coup. Et puis peut-être, il est parmi vous, celui-là qui est appelé à quelques découvertes merveilleuses, eh bien, celui-là, je le salue d'avance, mais à travers l'Université de Toulouse. Je salue tout l'enseignement français. Je salue les chercheurs, les maîtres et les étudiants. Et ça n'a pas loupé. On a eu une idée. Aller se réfugier dans le cerveau de Patrick Lelay. Ibiza, l'île de la fête et de la jet-set cache bien des secrets. Dans la vraie vie, ces héros se révèlent être de véritables monstres. Enfin, regardez bien cette femme. Ce soir, elle tente le tout pour le tout en direct sur notre plateau. Vous saurez tout des gris-gris des people. Ou vous êtes maudit. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette nouvelle exploration poético-burlesque au cœur de l'inattendu. Et qui nous rappelle ce matin combien la lobotomie des masses est insidieuse. Mais bon, poursuivons notre route pour aller à la rencontre de nos deux trépanés, puisqu'il est l'heure de notre décrochage régional. Voici donc nos actualités locales et foutraques, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h31, rejoignons notre fantasque petit village fleuri où nous attendent Monique, l'esprit social, et Jean-Claude, toujours en grogne, face à cette terrible guerre de récession qui se poursuit, voire s'aggrave, au fil des semaines. D'ailleurs, mercredi matin, Monique a tenté de convaincre Jean-Claude de venir avec elle à la manif le lendemain afin qu'il vienne lui aussi protester, notamment contre ces pratiques inadmissibles, comme cette trahison des patrons de l'entreprise continentale qui ont saisi l'aubaine de cette conjoncture économique pour sacrifier leurs ouvriers sur l'autel du profit, malgré tous les efforts consentis par leurs employés. Seulement voilà, Jean-Claude n'a jamais été gréviste, et ce n'est pas dans sa culture de battre le pavé. D'autant moins qu'en ce moment, Jean-Claude gamberge. Je crois plus en moi, tu comprends pas ce que ça veut dire ? Non, ça n'est pas vrai ! Mais si, c'est vrai ! Pourquoi tu ne dis pas la vérité ? Tu veux la savoir, la vérité ? La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Et je veux pas perdre ça ! Voyons, réfléchis, qu'est-ce qu'on a d'irremplaçable ? Quoi ? De l'argent ? Et puis des voitures ? Ou même la maison ? J'ai peur ! T'es contente ? Tu voulais me le faire dire ? Tu veux me démolir ? Je te le dis, j'ai peur ! Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Y'a aucune honte à avoir peur. Ah si, pour moi, si. Pourquoi ? C'est humain, non ? Tu étais le champion. Tu as fait ce que tu devais faire. Et tu as fait ce que moi et tous les autres t'encouragions à faire. C'est toi et toi seul qui vis avec cette peur qui te dévore. L'angoisse que tout le monde va essayer de te dépouiller. La peur qu'on se souvienne de toi comme d'un lâche. La peur de ne plus être un homme. Eh bien, tout ça est faux. Eh oui, comme de nombreux salariés, et malgré les efforts de Monique pour le booster, Jean-Claude a légitimement la trouille de perdre son combat syndical. Il sent bien qu'il pourrait tout paumer dans cette foutue crise et, par ailleurs, il craint, comme beaucoup de ses collègues, de se déclarer gréviste aux yeux de son patron. Cela dit, mercredi soir, juste avant de quitter son boulot, Jean-Claude a surpris une étrange conversation entre le boss de sa boîte et Mademoiselle Jeanne, la secrétaire de direction. Je voulais vous demander... Quoi encore ? Eh bien, en fait, c'est par rapport à la grève des transports qu'ils ont annoncé pour demain. En fait, si je veux être là à 8h30, il faudrait que je parte de chez moi à 6h. Et comme je ne peux pas laisser mes enfants tout seuls à l'école parce qu'elle ouvre qu'à 7h, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais savoir si je pourrais venir demain à 10h pour une fois. Écoutez, j'ai une meilleure idée. Venez ici pour midi, hein, juste pour déjeuner. Puis amenez vos enfants ici, comme ça vous pourrez jouer avec eux. Puis vous repartirez vers 15h pour éviter la foule. Vous plaisantez? Oui, bien sûr que je plaisante. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je ne sais pas rire un peu, avoir un peu d'humour, hein? Je suis peut-être directeur, mais avant tout, un être humain, hein? Mmh. Allez, à demain, ma petite Jeanne, hein? 8h30. Outré par ce comportement grossier de son patron, Jean-Claude a immédiatement décidé qu'il se déclarerait gréviste le lendemain et qu'il irait manifester pour la première fois de sa vie, car maintenant, ça suffit. Monique fut ravie d'apprendre cette bonne nouvelle et pour Jean-Claude, l'excitation était à son comble, d'autant que pour la première fois depuis bien longtemps, les rumeurs de Grosboul-les-Bains prévoient que les employés du secteur privé seraient plus nombreux que ceux du secteur public, autrement dit, une gigantesque mobilisation. Très bien. Sauf que Jean-Claude, tout comme bon nombre de ses collègues du privé, eh ben, il a besoin d'une petite formation rapide pour intégrer le cortège dans l'après-midi. C'est pourquoi, jeudi matin, Jean-Claude a rejoint un petit groupe de sa boîte afin de découvrir les conseils du délégué syndical avant la manif. Bon, je vous préviens, il y aura tout le gratin du syndicalisme, hein. Il n'est pas question que je passe pour une bille. Alors déjà, au niveau vestimentaire, il va falloir faire un effort. Sylvain, si tu vas comme ça à Place de la République, tu vas rentrer à l'hôtel en canard. Mais je m'habille comme ça, depuis le régiment, j'ai jamais eu aucun problème. Mais tu fais MEDEF, là, tu vois pas? On va au charbon, Sylvain. Il faut des vêtements amples, des vêtements souples, qu'on puisse courir, sauter des barricades, je ne sais pas, moi. Moi je vais mettre mon cycliste. Ouais. Parce que, bon, bah, c'est tout terrain. Mmh. Et en plus, ça met en valeur le... Ce que j'ai vu à la télé, dis donc, dans les manifs, il y a des étudiantes, hein. Attends, Jean-Claude, faut arrêter de penser avec ta bite, c'est sérieux, là. Regarde, moi, j'ai mis mon t-shirt Bob Marley. Oui, c'est le tché, mais c'est tout à fait l'esprit. Voilà, c'est comme ça qu'il faut s'habiller, ok? Bon, maintenant, on va répéter les slogans. Alors, Sylvain, tu vas commencer, tu vas me lire ça. Allez, tous ensemble. Alors, je vous écoute. Escroc, le peuple aura ta... Voilà. Oui, c'est ta peau. Oui. C'est de la violence gratuite, ça, Hervé. C'est quand même le président de la République, on va aller en prison. T'en veux de la violence gratuite, là, maintenant, tout de suite? Évidemment, certains employés, dont fait partie Jean-Claude, ne sont pas habitués à autant de véhémence contre l'autorité patronale. Cela dit, le délégué syndical leur précise aussitôt que la violence dans une manifestation provient souvent du camp adverse, qui n'hésite pas à faire appel à des provocateurs et qu'il faut savoir se défendre. Ainsi, pour terminer cette petite séance de formation accélérée, le délégué syndical leur impose une petite vidéo pour quelques astuces d'autodéfense. Petit cours de karaté. Premièrement, la position du tourteau. Vous ouvrez bien les mains en forme de pince. Ensuite, deuxièmement, le regard du chacal. Vous le fixez bien dans les yeux, comme ça, juste pour le faire peur. Et enfin, troisième point, ça je vous le dirai juste après le jingle. Donc je résume, on a dit premièrement la philosophie du tourteau. Deuxièmement, on n'oublie surtout pas l'œil du chacal. Mais tout ça serait inutile sans le troisième point, et c'est là que je voulais en venir. Troisième point donc, il est très facile à retenir, ça va me revenir tout de suite. Troisième point, c'est terrible, j'ai un véritable trou de mémoire. Bon, bref, c'est pas grave, si vous avez un trou de mémoire, ce qu'il faut faire, c'est lui mettre le doigt dans l'œil. C'est ainsi qu'à 15h30, jeudi dernier, notre Jean-Claude, tout à fait disposé à fourrer son gros doigt dans l'œil d'un provocateur, manifeste avec plus de 10 000 personnes dans les rues de Grosboul-les-Bains afin que le gouvernement se décide enfin à prendre de vraies mesures contre les licenciements abusifs, par exemple. Et au milieu de ce cortège joyeux, aux côtés de Monique, notre Jean-Claude, pour la première fois de sa vie, découvre les us et coutumes d'une manifestation. Salut! Salut! Excusez-moi. Oui? Comment s'appelle ce sport? De la marche athlétique. C'est la première fois que j'en vois. C'est... Quel style! Quelle grâce! Oh, il ne s'agit pas uniquement d'élégance. C'est le meilleur stimulant cardiovasculaire jamais inventé. N'en déplaise à tous les malades des salles de sport. Oui, mais en quoi ça consiste? La Fédération Internationale de Marche Athlétique stipule qu'on doit toujours avoir au moins un pied au sol et que la jambe d'appui doit rester complètement raide et tendue. Tendue? Comme ça, c'est ça? Oui, je crois que vous avez trouvé le truc. Regardez, les gars, je crois que notre ami est naturellement doué. Oui! Regardez-moi! Je sais marcher! Et oui, très vite, Jean-Claude se révèle être particulièrement doué pour la marche protestataire. Du coup, il se pique au jeu et entraîne même Monique dans sa performance d'athlète qui, elle, sous ce radieux soleil printanier, exulte sur le parcours sportif de la manif. La météo annonce C'est-à-dire jusqu'au 30e kilomètre. Ça a été bien. Et alors, j'ai eu vraiment un mur, moi, à peu près au 33e kilomètre, où là, ça a été vraiment très dur. Et là, j'ai mon mari qui m'attendait là, les deux derniers kilomètres, et ça m'a aidé à grimper, vraiment. C'est super. 4h30, mais bon, c'est bien, quoi. Ça permet de voir comment on se surpasse, et puis voilà, quoi. Plus d'une fois, nous y avons pensé, c'est la course au soleil. Ce jour est arrivé, tout le monde est énervé, c'est la course au soleil. On va pouvoir faire tout ce qui nous plaît, c'est la course au soleil. En effet, sous le soleil, cette marche protestataire a duré 4h30 dans les rues de Grosboul-les-Bains et Monique a donné le meilleur d'elle-même dans l'espoir, bien sûr, de voir apparaître enfin de véritables mesures pour que tout le monde soit solidaire face à la crise, y compris le grand patronat qui, pour l'instant, disons-le franchement, n'a pas vraiment donné l'exemple, n'est-ce pas ? Pour finir, il faut savoir que Jean-Claude, pour un novice des manifs, a réalisé une véritable performance jeudi dernier, notamment au moment du sprint final, commenté par les journalistes de la télévision locale. C'est parti, c'est parti. Oh là là, oh là, c'est bien parti. Il mène. Oh, c'est bien parti pour Jean-Claude. Oui, oui, oui. Oh là là, c'est super. Fantastique, quel exploit. Oui, c'est lui. Oh que c'est beau. Bel exploit de sa part. Je demande tout de suite à Jean-Jacques Étranger de nous refiler. Enfin, excusez-moi, c'est un peu peut-être vulgaire. Péjoratif, quelque part, oui, absolument. Oui, redonnez les images. Oui, retenez les images, veuillez. Bon, enfin, c'est au ralenti. Voilà. Oh que c'est beau. On voit la supériorité de Jean-Claude. Ah oui, le cocorico encore frappé, nous en sommes fiers. Le panache à la française. Ça, c'est formidable. Et regardez comme il est content. Il est ructe de joie, Jean-Claude. Il exulte, ça suffira, il exulte de joie. Eh bien, c'est formidable. L'antenne, oui, il faut qu'on rende l'antenne. Oui, oui, oui, nous sommes dans les temps. Eh bien, nous allons nous séparer tous les trois sur de bonnes images, puisqu'il s'agit d'une victoire à la française. Absolument. Voilà. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Alors maintenant, toujours en direct avec toi, laissons de côté, jusqu'à la semaine prochaine, notre formidable Jean-Claude qui, paraît-il, ne cesse, depuis jeudi dernier, de réclamer de la thune à la CGT pour être arrivé premier à la manif. Sacré Jean-Claude, va. Enfin bon, il est 11h41. Il est donc l'heure, dès à présent, de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin justement à ce mouvement social qui a submergé notre pays il y a quelques jours et dont 75% des Français soutiennent les revendications, notamment en ce qui concerne la hausse des salaires. Et, vois-tu, il y avait belle lurette que les salariés du secteur privé n'avaient pas participé aussi massivement à une grogne sociale, cela devait être en décembre 1995. C'est pourquoi notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, s'est engouffré jeudi dernier dans le cortège parisien à la rencontre des employés du secteur bancaire qui, figure-toi, ont quelques trucs très intéressants à nous apprendre sur leur situation. Alors, juste après la virgule, découvrons les revendications d'un secteur bizarrement lui aussi en colère, le milieu bancaire. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Pour le pouvoir d'achat, contre les licenciements, pour un meilleur partage des richesses, pour une meilleure protection des retraités, on augmente de 1,5% quand l'inflation est de 2. Avec la CFTC, tous uniques, tous unis. Pour le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là aujourd'hui ? Eh bien, donc nous sommes venus à cette manifestation pour exprimer notre mécontentement, dirais-je, par rapport à tout ce que l'entreprise nous demande aujourd'hui. Alors moi, je suis dans un secteur bancaire en tant que directrice d'agence et nous sommes soumis à la pression régulièrement des objectifs. Une grève surprise jeudi prochain à 17h. Hé les gars, c'est vrai que jeudi prochain, il y a une grève surprise à 17h. Comment compris, silence, il n'y a pas de grève surprise. À 17h. Jeudi prochain. C'est quoi votre banderole ? Notre banderole, alors la banderole de la Fédé Banque, c'est en gros, les employés de banque ne sont pas des banquiers. J'ai ma fierté, monsieur. Je suis employé de banque, je ne suis pas banquier. Il fait pas bon être banquier en plus en ce moment. Non, non, banquier, bah, banquier ça rapporte, paraît-il. Ouais, ouais, c'est même de notoriété publique. Mais il faut assumer après. Et les employés de banque n'ont pas à assumer ce que doivent assumer les banquiers. C'est pas la même chose. Alors, on licencie, l'excellence se prend. C'est le partage du travail qu'il faut imposer. Pendant, on licencie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quand vous me dites que vous êtes entre les clients et la direction, ça signifie quoi? C'est-à-dire que la direction nous demande des objectifs commerciaux assez importants. Donc nous sommes tenus évidemment de les proposer à nos clients. Donc nous sommes partagés entre la déontologie, la pression des objectifs, les récompenses en fin d'année qui ne sont pas forcément présentes malgré les efforts conséquents que nous faisons, les manques d'effectifs, nous avons beaucoup de postes à découvert actuellement dans les agences. Donc c'est vraiment pas facile et comme le climat est difficile vis-à-vis des banquiers, là, c'est un métier qui est un peu cible en ce moment. Donc bah, nous subissons les reproches à longueur de journée, les réflexions, donc c'est moralement c'est assez difficile à tenir. Bon, on a repris les négos, hein. Pas mal. Et les gars, ils sont comment? Ils commencent à fatiguer, les gars. Bon, écoutez, vous y êtes presque, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que la vraie bataille moderne, elle est là, la diminution du temps de travail. Parce que, un, on peut pas vivre comme un homme et travailler comme une bête, ça c'est pas de moi, c'est de Marx. C'est pas d'actualité, ça. Quoi? Et en 36? C'était d'actualité, peut-être, quand les patrons leur ont annoncé qu'il faudrait payer un mois de congé par an? C'est grâce à la lutte que des millions de gens ont pu découvrir la mer. Alors moi, je vous le dis, faut aller plus loin. Accroche ton char à une étoile, disait Emerson. Alors battez-vous. On est là pour réaliser différents crédits, pour faire souscrire des placements à nos clients, pour leur faire faire différentes assurances, quoi. C'est ça, quoi. Donc vendre sans arrêt. Des choses auxquelles vous ne croyez pas forcément, toujours. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit peu un chantage à l'emploi qui se fait au niveau des entreprises et il n'y a aucune reconnaissance, quoi. Pour les salaires, il suffit pour eux. Pour les augmentations, il suffit pour eux. Alors, tu l'entends, la manif? La précarité, ça peut nous arriver, nous aussi. Voilà, parce que moi, j'ai le souvenir d'il y a 10 ou 12 ans où je commençais à dire le jour où les banques licencieront du personnel, c'est vraiment que la situation économique sera grave. Et là, nous y arrivons. Eh oui, aujourd'hui, tout le monde s'accorde, y compris le gouvernement, pour reconnaître que c'est la grosse mouise. Mais comme nous, tu viens d'entendre que les instances bancaires, elles, continuent à vouloir s'engraisser, faire du pognon et du pognon. Eh oh, va vraiment falloir trouver une solution, là, non? Et en plus, ils virent du personnel, dis donc. Ça devient vraiment exaspérant. Mais attention, hein, ça devient surtout une question de sûreté nationale, là. Ça sent la lanterne, je te dis. À moins que tout le monde ne se retrouve à la même enseigne. Où va-t-il? À la Société Géniale. Un banquier? Non, un client. À quoi pense-t-il? Il pense qu'il a bien fait de couper par le jardin. Qu'il fait beau. Il pense aux questions qu'il posera à son banquier sur les placements européens. Il pense que l'Europe, c'est encore un peu abstrait. Et lui, un banquier? Oui, c'est le banquier. Lui, il pense à Londres, à Francfort, à Madrid, à Milan. Il pense qu'il a bien fait de ne pas passer par le jardin. Il pense qu'à la Société Géniale, ce sont tous des cons, que c'est une banque de merde et qu'il est vraiment content de ne plus travailler pour eux. ANPE, l'autre agence. Quand le petit Nicolas est entré au CPE, on l'a tous montré du doigt, on a tous manifesté. C'est à cause de son nom, quelle idée de s'appeler police. On lui pose plein de questions, on l'appelle l'agent de service. On lui demande en rigolant si ses parents voient des brigands, des cow-boys, des trafiquants, des Roumains ou le président. Nicolas dit en pleurant que papa est immigrant. Fallait pas s'appeler comme ça, car toute l'école crie de joie. Nicolas qui? Nicolas police. Nicolas qui? Nicolas police. Nicolas qui? Nicolas police. Nicolas qui? Nicolas police. Nicolas police. Nicolas police. Tous les jours on lui chante, sa chanson. En marchant côte à côte, on rigole de son nom. Nicolas a des copains, en classe sont ses deux voisins. Il copie sur Jean-Marie et Dominique copie sur lui. Pour les billes à la récré, c'est avec Edouard qu'il jouait. Comme il a loupé le calot, alors il joue avec Jaco. On l'enterre à la mi-temps, au foot et au vélo, il est lent. Ses oreilles prennent le vent, et c'est l'émeute quand il est devant. Nicolas, Nicolas Poli. Nicolas est bien gentil, à la maison il sourit, garde ses nains devant mamie, fait ses devoirs, mange bas au lit. Avant de dormir, il lit les batailles d'à l'intérieur. Il aimerait jouer pour mamie de l'accordéon dans le téléviseur. Il fait de beaux dessins de Villepin et pommes de pin. Frivolait sa petite amie, il en jacte. Puis dit ben vous aussi, de l'école il veut s'enfuir. Son nom lui pourrit l'avenir. Petit Nicolas rêve, son nom est sur toutes les lèvres. Nicolas, Nicolas Police, Nicolas, Nicolas Police, Nicolas. Nicolas Police, par Nicolas Police, en hommage à tous ceux qui appréhendent un terrible mois de mai 2009. Alors maintenant, à 11h50, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, M. Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? J'ai bien épluché la presse, oui, cette semaine, j'ai été très touché, ému même, par la tribune de Xavier Darcos, notre ministre de l'Éducation nationale, paru dans Le Monde de mercredi dernier, avec ce titre à peine grandiloquent, « Esprit français, es-tu là ?» Alors notre ministre, il fustige l'outrance, la rumeur et surtout les excès de passion des universitaires mobilisés depuis plusieurs semaines pour faire barrage à la destruction de la recherche publique et du système éducatif en général. Gauchiste. Ah, ça c'est Raymond de Mulhouse. Oui, je rappelle à tous nos auditeurs cette terrible révélation que nous vous faisions la semaine dernière. Nous vous entendons, tout ce que vous dites à côté de votre transistor arrive dans nos oreilles, c'est ça les progrès de la technologie, nous vous avons en retour dans le casque. C'est formidable. Voilà, donc Xavier Darcos n'était pas content. Ah, mais une remarque de Catherine de Guéret dans sa cuisine a dit « Oh, bah pourquoi il était vexé le petit loup ?» Bien écoutez Catherine, je pense que l'explication se trouve sur le site Rue 89 qui nous raconte cet étrange procès que les enseignants-chercheurs ont organisé place de la Sorbonne vendredi 13 mars et ainsi annoncé. Procès devant les très doctes pères de la Sorbonne, de Sarkozy et de ses complices, les très atroces, très horribles et très horrifiques Xavier Darcos et Valérie Pécresse, accusés de tentatives d'assassinat contre l'université, de complot contre le savoir, d'hérésie, de parjure et de blasphème envers l'illustre université et le bien public. Le procès a donc eu lieu et quelles en furent les sentences? Eh bien Nicolas Sarkozy a été condamné à repasser son baccalauréat ES, bon déjà, mais surtout à l'écartèlement de ses Rolex. Oula. Valérie Pécresse fut démise de ses fonctions de ministre de la Destruction de la Recherche. Et le pauvre Xavier Darcos a été condamné au port de couche à vie. Et c'est sans doute ça qui l'a vexé. Eh oui. Voilà, qui l'a poussé à se demander, esprit français, es-tu là ? Attendez, excusez-moi. Oui, j'entends en ce moment de tous les campus de France, on murmure à côté des transistors que sans doute plus que jamais, l'esprit français est dans les universités qui se défendent. Alors d'ailleurs, lors de ce procès, Nicolas Sarkozy a vu sa peine alourdie par une condamnation à l'enfermement perpétuel avec la princesse de Clèves. Ah oui, vous vous souvenez Philippe, hein, quand il était candidat, notre président avait raillé le fait que l'on puisse étudier la princesse de Clèves pour passer certains concours de la fonction publique. Lire, écrire, compter, ça suffit. Penser, c'est en option. Alors, bon, bien sûr, ça c'est une vision très particulière de l'esprit français où la lecture de Marc Lévy et de Paris Match semble plus utile que de relire Madame de Lafayette. Et d'ailleurs, un peu partout sur le net en ce moment, sur les blogs, etc., la princesse de Clèves a un succès fou au point qu'elle est devenue la véritable vedette du Salon du Livre à Paris, où l'on portait allègrement un badge. Moi, je lis la princesse de Clèves. C'est classe en même temps. Ben oui, j'aimerais bien en avoir un, je crois. On va essayer d'en trouver un. Mmh. La culture comme acte de résistance, quand même, mmh. ça le fait. Hein, c'est ouais, parfait. C'est classe. Voilà, surtout à une période où tout ce que l'université compte de talents et de neurones se soulève en bloc. Alors... Ah, excusez-moi, une remarque de Nicolas, Nicolas de Paris, un auditeur fidèle, qui nous dit on n'a pas besoin de lire La Princesse de Clèves pour se faire de la thune et gérer une grande entreprise. Bah c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai, Nicolas, c'est vrai. C'est vrai, la culture, ce n'est pas utile pour être un grand patron. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vous la faites Pas deux fois. Et bien ce journal... Ce quotidien allemand nous apprend qu'Adam Reiss, du Land de Saxe, vient de recevoir un courrier exigeant le paiement de sa redevance audiovisuelle non payée depuis 450 ans. Ah. Oui, il faut savoir qu'Adam Reiss est un mathématicien décédé en 1559. Alors on leur a expliqué aux messieurs de la redevance que bon, ils étaient plantés, le type n'habite plus là. Mais non, il a reçu une relance. Voilà, comme quoi la culture, parfois, ça peut être utile. Oui. Ah, Nicolas, vous continuez, on vous entend. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la princesse de Clèves? Elle n'est même pas invitée chez Drucker. Ouais, il faut simplifier les programmes scolaires pour former de bons petits employés pas trop critiques. Oui, bah, c'est ce qu'ont dû penser les éditions Vanzolini à Rio de Janeiro. C'est le quotidien brésilien O Globo qui nous apprend qu'un manuel scolaire a été distribué à 500 000 d'élèves avec des cartes de l'Amérique latine. Mmh. Où un pays comme l'Équateur n'apparaît pas. Ils l'ont oublié. L'Uruguay, le Paraguay, tout ça, ça a changé de place. Bon, ouais, mais des détails pour les érudits, ça, c'est pas utile. Anecdotique. Mais pourtant, maîtriser la géographie, c'est important. Et c'est sans doute ce que devrait faire Éric Besson, notre ministre de l'Immigration. Et le Canard enchaîné de cette semaine nous explique une étrange histoire de travailleurs sans papier marocains arrêtés à la frontière espagnole alors qu'ils rentraient au Maroc. Oui. Oui, c'est le nouveau jeu de la police pour faire gonfler les statistiques. Voilà, on arrête des sans-papiers venus prendre le ferry pour rentrer chez eux. On les arrête pour les expulser chez eux. D'accord. Mais par avion via Paris. C'est-à-dire qu'ils remontent. Et... Bon, voilà, c'est hallucinant. Ouais, c'est sans doute là une autre passion française qui effraie moins Xavier Darcos par solidarité gouvernementale. Hein. Ah, classique. Excusez-moi, Philippe, j'entends une remarque de Mounia de Rennes qui dit. Ah, c'est une authentique opposante, hein, parce que elle lit la Madame de Lafayette. Elle est aussi dangereuse que Julien Coupa. Vous savez, le supposé terroriste ferroviaire, toujours en prison sans que personne sache pourquoi. Hein. Alors, que nous dit Mounia? Elle nous rappelle que la princesse de Clèves disait que les passions peuvent me conduire, mais qu'elles ne sauraient m'aveugler. Ben, vous voyez, c'est un peu comme les enseignants-chercheurs en ce moment, passionnés, mais pas aveugles. Merci, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 155e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités, revues et corrigées par la bande de furieux du Morja Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Morja Palace est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit et un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait ce matin H2M, le génial Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Sandrine Laurent et de Philippe Duclos. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait comme d'habitude. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin. On remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris à la tête de son crumble. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le Ministère Psychique. Et en direct dimanche, toujours à 11h sur France Inter, pour un nouvel épisode du Morja Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Il couine encore, ces salauds-là. C'est la fin.